Chapitre 2e. La cause de la répugnance qu'éprouvait Madame d'Aubigné à céder sa fille à Madame de Villette était la crainte que celle-ci, qui était calviniste, n'élevât son enfant dans cette religion. L'impitoyable nécessité, comme nous l'avons vu, était jusqu'à un certain point son excuse. D'un autre côté, elle cherchait à se rassurer, en se disant que si Madame de Villette voulait instruire sa nièce dans les principes de la religion prétendue réformée, ces principes ne saurait prendre une racine bien profonde dans un esprit aussi juste, qu'elle connaissait trop bien le bon sens naturel et la raison de son enfant pour ne pas être convaincue qu'elle parviendrait facilement à effacer les sophismes qui auraient pu faire quelque impression sur sa fille. Elle ne tarda pas à se convaincre de son erreur et à se repentir d'avoir mis le salut de sa fille en danger. Madame d'Aubigné, comme nous l'avons dit, était sérieuse. Elle avait dans la physionomie quelque chose de froid et de sévère, plus propre à inspirer la crainte et le respect que l'affection et la confiance. Quoiqu'elle aimât beaucoup ses enfants et surtout sa fille, jamais elle ne les entourait de ces tendres caresses qui peuvent, quand elles sont trop prodiguées, gâter parfois les enfants, mais qui, accordées dans une juste mesure, touchent leur cœur et éveillent leur affection. Madame de Villette, au contraire, était souriante, affable et caressante pour ses enfants. Elle traitait sa nièce comme si elle eût été sa propre fille, et l'enfant répondit bientôt à ses marques de bienveillance par un attachement sincère pour sa tante. Madame de Villette ayant ainsi gagné le cœur de sa nièce, il lui devint facile de la disposer à adopter ses idées et ses croyances religieuses. On est volontiers porté à suivre les opinions de ceux qu'on aime, surtout quand l'esprit n'est pas encore assez éclairé pour avoir des convictions arrêtées. Françoise d'Aubigné se trouva bientôt portée à embrasser une religion pour laquelle ses pères avaient combattu. Sa faible raison sourit à toutes les impressions que sa tante lui donna, et comme elle était incapable d'un attachement médiocre, elle se passionna promptement pour le calvinisme. Madame de Villette, malgré ses erreurs, avait de la vertu. Elle faisait souvent des aumônes, et dans ces occasions, elle chargeait Françoise d'Aubigné de distribuer les secours qu'elle donnait aux indigents afin de l'accoutumer de bonne heure à compatir à l'infortune d'autrui et à soulager elle-même les malheureux. Cependant, Madame d'Aubigné, qui habitait Niort et qui ne voyait que rarement sa fille, ne se doutait pas qu'elle eût embrassé si ardemment les nouvelles croyances. Un jour que Françoise était venue voir sa mère, celle-ci voulut la conduire à la messe. Françoise refusa d'abord opiniâtrement de l'y suivre et finit par l'accompagner de très mauvaise grâce. Madame d'Aubigné, justement alarmée, aurait bien voulu conserver sa fille chez elle, mais les mêmes obstacles qui l'avaient forcée de la confier à Madame de Villette subsistaient encore avec plus de force. Elle s'adressa à Madame de Neuillan, sa parente, dont la fille avait tenu Françoise sur les fonts baptismaux. Madame de Neuillan, qui était une catholique zélée, obtint, en se prévalant de ce que la jeune demoiselle d'Aubigné était née de parents catholiques, un ordre de la cour pour la retirer des mains de Madame de Villette. Il fallut obéir, et Françoise quitta tristement sa tante pour aller chez Madame de Neuillan. Sa nouvelle protectrice ne négligea rien pour l'instruire dans la vraie religion, mais elle rencontra une opiniâtreté désespérante. Comme cet enfant montrait déjà beaucoup d'esprit, elle chargea un respectable ecclésiastique, curé d'une paroisse de Niort, d'avoir avec elle des entretiens et d'éclairer cette jeune intelligence déjà si obscurcie par les préventions et les préjugés. Mademoiselle d'Aubigné voulut d'abord tenir tête au curé et disputer avec lui, mais elle fut bientôt forcée de s'avouer vaincue, sans toutefois vouloir se rendre. Tant d'obstination piqua Madame de Neuillan. Après avoir inutilement employé la douceur et les caresses, on espéra la vaincre par les humiliations. On la confondit avec les domestiques, on la chargea des plus humbles détails de la maison. « Je commandais dans la basse-cour », a-t-elle souvent dit depuis, et c'est par là que mon règne a commencé. Tous les matins, un loup pour conserver son teint, un chapeau de paille sur la tête, une gaule à la main et un petit panier au bras, Françoise d'Aubigné allait garder les dindons, avec défense de toucher au panier où était son déjeuner, avant d'avoir appris par cœur 5 quatrains de Pibrac. Ces humiliations n'était guère propre à agir sur un caractère de la trempe de celui de Françoise d'Aubigné. Des personnes expérimentées en firent l'observation à Madame de Neuillan en l'engageant à mettre sa jeune parente au couvent des Ursulines de Niort. Madame de Neuillan était avare et ne voulait pas payer la pension. On eut recours encore à Madame de Villette, et ce qui paraîtra peut-être extraordinaire, c'est que cette dame consentit à payer la pension. C'était sans doute de sa part un acte de générosité fort louable. Mais nous devons ajouter qu'elle ne pensait pas que sa nièce pût se convertir au couvent. Elle connaissait son caractère entier et ferme jusqu'à l'entêtement. Elle savait avec quelle ténacité elle avait résisté aux exhortations d'un savant ecclésiastique à l'influence de ses parents. Elle avait en outre toujours entretenu une correspondance secrète avec sa nièce pour l'engager à ne jamais se laisser ébranler. Tous les sectaires de Niort étaient fiers de cette fermeté de la petite fille d'un de leurs anciens chefs, et ni eux ni Madame de Villette ne pouvaient supposer que des béguines auraient plus d'empire sur l'esprit de cette jeune fille que sa mère, que sa marraine et qu'un savant théologien. En la mettant au couvent, on ne faisait, selon leur vue, que la délivrer de la surveillance de Madame de Neuillan, et cette nouvelle obligation qu'elle aurait à sa tante ne ferait que l'affermir dans sa foi. Ce calcul paraissait fondé, et l'on put croire d'abord qu'il serait réalisé en tout point. Mademoiselle d'Aubigné, prévenue par sa tante, ne fit aucune difficulté quand on voulut la conduire au couvent. Laissons-la raconter elle-même cette circonstance de sa vie, dans un de ses entretiens avec les demoiselles de Saint-Cyr. « J'avais, dit-elle, une parente au couvent des Ursulines de Niort. On me proposa de l'aller voir et de l'embrasser à la porte de clôture. J'y allais de bon cœur. Mais comme je savais qu'on m'y voulait laisser, dès que la porte fut ouverte, au lieu de m'amuser à saluer ma parente, je me lançai dans le couvent pour qu'on n'eût plus la peine de me dire d'y entrer. » Après avoir raconté, d'une manière plaisante, quelques incidents de ses premiers débuts, « Je tombai heureusement, ajoute-t-elle dans son récit, entre les mains d'une maîtresse pleine d'esprit et de raison qui me gagna par sa politesse et sa bonté. Elle ne me faisait aucun reproche, me laissait libre dans l'exercice de ma religion, ne me forçait point à aller faire mes prières dans l'oratoire commun, où il y avait plusieurs images, non plus que d'aller à la messe, mais en même temps, elle me faisait instruire à fond de la religion catholique. C'était précisément cette instruction qui avait manqué à la jeune Françoise d'Aubigné, et qui lui fut donnée avec douceur et d'une manière appropriée à son caractère. On lui présentait simplement des arguments à sa portée pour établir telle ou telle vérité de la religion, et son esprit, naturellement droit et saint, ne pouvait s'empêcher d'en reconnaître la justesse. Peu à peu, à mesure que son esprit s'éclairait, elle rougit de son ignorance. Elle ne put s'empêcher d'avouer que c'était plus par entêtement et par orgueil que par conviction qu'elle s'était si fort attachée au calvinisme. Bientôt, son cœur fut touché par un rayon de la grâce divine, et non seulement elle crut, mais elle aima cette belle et sainte religion catholique, contre laquelle elle avait tant d'éloignement parce qu'elle ne la connaissait pas. Elle crut avec une foi vive, et ses dogmes, et ses mystères, et dès lors elle prit du goût pour ces touchantes et pompeuses cérémonies qui ne lui inspiraient naguère que du dédain. Enfin, comme elle le dit elle-même dans l'entretien que nous avons cité plus haut, elle fit son abjuration avec une entière connaissance de la portée de cet acte et avec une pleine fierté. À compter de ce jour, elle devint une catholique sincère, zélée, et sa ferveur se soutint jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne fut point arrêtée dans cette détermination importante par la crainte de déplaire à sa tante de Villette, ni par les conséquences qui devaient être la suite de son mécontentement. En effet, cette dame, en apprenant la conversion de sa nièce, déclara qu'elle cesserait désormais de payer sa pension et de pourvoir son entretien comme elle l'avait fait jusqu'ici. Les Ursulines de Niort se virent forcées de rendre la jeune personne à sa mère, qui trouva moyen de la placer aux Ursulines de la rue Saint-Jacques à Paris. Dans cette maison, elle s'affermit beaucoup dans la foi et dans la piété. Elle y fit sa première communion, après s'y être préparée de manière à bien comprendre toute la grandeur de l'acte qu'elle allait accomplir. À cette occasion, et quand elle prononça la rénovation des vœux du baptême, elle fit une nouvelle et solennelle abjuration de la religion protestante, en même temps qu'elle faisait une solennelle profession de foi catholique. Dans cette journée, elle édifia tous ceux qui furent témoins de sa ferveur, et à compter de ce moment, elle gagna si bien, par sa douceur et sa complaisance, le cœur des religieuses et des pensionnaires, qu'on put juger dès lors à quel point elle aura le talent de se faire aimer. Quelque temps après, Madame d'Aubigné, qui habitait Paris depuis que sa fille était chez les Ursulines de la rue Saint-Jacques, et qui continuait à solliciter pour le procès dont elle ne pouvait voir la fin, résolut de le terminer par un arrangement amiable. Elle céda à M. de Sauzac, un de ses parents, la terre de Surino, moyennant 200 livres de pension qu'il s'engagea de lui payer. Mais elle fut si pénétrée de douleur de cette cession forcée des droits de ses enfants qu'elle en fit une maladie dont elle mourut. Après la mort de sa mère, Mademoiselle d'Aubigné retourna en Poitou chez Madame de Neuillan, seule personne à peu près qui lui resta de sa famille. Madame de Villette était morte. Son frère aîné était mort aussi. Son second frère, Charles, avait été placé dans les pages chez M. de Parabère. Elle se trouva donc de nouveau à la charge de Madame de Neuillan, qui ne le lui fit que trop sentir. Elle resta, pendant 3 mois, enfermée dans une petite chambre à Niort, moins occupée de sa misère, car elle était presque sans ressources, que de sa douleur. On ne l'avait cependant pas oubliée à Paris, où elle avait laissé plusieurs amis de son âge qui s'intéressaient vivement à son sort. Elle avait surtout inspiré un tendre attachement à une demoiselle de Saint-Armand, qui lui donna de douces consolations au moment de la perte de sa mère, et qui reçut d'elle cette réponse. De Niort, 1650. Mademoiselle, vous m'écrivez des choses trop flatteuses. Je ne regretterai point Paris si vous n'y étiez. Vous effacez tout ce qui m'y a plu. Je n'oublierai jamais les larmes que vous avez versées avec moi, et toutes les fois que j'y pense, j'en verse encore. Je m'assieds avec un plaisir toujours nouveau sur cette chaise que vous avez travaillée de vos mains, et quand je veux écrire, je ne suis pas contente ni de mes expressions ni de mes pensées si je ne me sers pas de vos plumes et de votre papier. Je vous prie, mademoiselle, de me dispenser de vous l'envoyer tout écrit. Je n'ai ni assez de courage ni assez d'esprit pour cela. Je vous en promets la moitié, et vous aurez le reste quand j'aurai autant d'esprit que M. Scarron. J'aime bien mademoiselle de Neuillan. Je vous prie de le lui dire et de la remercier du service qu'elle m'a rendu en me donnant en vous une amie qui me consolerait de la perte de ma mère si quelque chose pouvait m'en consoler. » Voici comment le nom de Scarron se trouve dans cette lettre. On sait que ce poète burlesque était atteint d'une maladie qui l'avait paralysé de presque tous ses membres, mais qui ne lui avait ôté ni son esprit ni sa gaieté. Chez lui se réunissaient Ménage, Pélisson, Scudéry, Vincérade, Sarrazin, Marigny, Segret, etc. Hommes de lettres de cette époque, tous ses amis. On voyait aussi chez Scarron des hommes appartenant à la haute société, tels que les trois Villarceau, le maréchal d'Albret, le duc de Vivonne, le marquis de Sévigné, le comte de Gramont, Mortemart, Coligny, Rincy, Delbène, le coadjuteur de Ré, la Sablière, Monsieur de Céridène, et beaucoup d'autres de la meilleure compagnie. Quelques femmes respectables allaient aussi quelquefois chez Scarron, ou bien le recevaient chez elles, où il se faisait porter. On peut citer au nombre des dames qui témoignaient de l'amitié à Scarron et qui le voyaient souvent, la duchesse de Lesdiguières, la marquise de Villarceau, la duchesse d'Aiguillon, Madame de Fiesque, de Brienne, d'Estissac, Mesdemoiselles d'Hautefort, du Lude, de Saint-Mégrin, qui aimait à jouir de la gaieté de ce malade, réputé partout le plus réjouissant des causeurs. Madame de Neuillan, quand elle venait à Paris, allait aussi souvent chez Scarron, et elle y conduisit plusieurs fois sa cousine, Madame d'Aubigné, dans l'espoir de lui faire rencontrer, parmi les hommes puissants qui fréquentaient cette maison, quelqu'un qui voulût bien solliciter en sa faveur relativement à ses interminables procès. Dans une de ses visites, Madame de Neuillan présenta un jour chez Scarron Mademoiselle d'Aubigné, âgée alors de 14 ans à peine, déjà remarquable mais timide, et qui se mit à pleurer en entrant, embarrassée de sa robe trop courte et de sa toilette un peu provinciale. Sa jeunesse et son embarras touchèrent tout le monde, et particulièrement Scarron. La présence de cette jeune fille candide et modeste ne fut qu'une apparition au milieu de cette société joyeuse et bruyante, car ce fut peu de temps après que mourut Madame d'Aubigné et que sa fille retourna au Poitou avec Madame de Neuillan. Madame de Saint-Armand, dont la fille était liée, comme nous l'avons vu, avec Mademoiselle d'Aubigné, fréquentait aussi la maison de Scarron, et voilà pourquoi, dans sa lettre à Mademoiselle de Saint-Armand, elle lui parle du poète, chez lequel, probablement, elles s'étaient rencontrées toutes deux. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle de Saint-Armand montra à Scarron la lettre de son ami. Celui-ci fut frappé de tant de tact et d'esprit chez cette jeune personne qui, dès le premier jour, l'avait intéressé. Il voulut à son tour lui écrire. Voici sa lettre. « Mademoiselle, je m'étais toujours bien douté que cette petite fille que je vis entrer, il y a 6 mois, dans ma chambre avec une robe trop courte, et qui se mit à pleurer je ne sais pas bien pourquoi, était aussi spirituelle qu'elle en avait la mine. La lettre que vous avez écrite à Mademoiselle de Saint-Armand est si pleine d'esprit que je suis mécontent du mien de ne m'avoir pas fait connaître assez tôt tout le mérite du vôtre. Pour vous dire vrai, je n'aurais jamais cru que dans les îles de l'Amérique, ou chez les religieuses de Niort, on a pris à faire de belles lettres, et je ne puis bien m'imaginer pour quelle raison vous avez apporté autant de soin à cacher votre esprit que chacun en a de montrer le sien. À cette heure que vous êtes découverte, vous ne devez point faire difficulté de m'écrire aussi bien qu'à Mademoiselle de Saint-Armand. Je ferai tout ce que je pourrai pour faire une aussi bonne lettre que la vôtre, et vous aurez le plaisir de voir qu'il s'en faut de beaucoup que j'ai autant d'esprit que vous. Tel que je suis, je serai toute ma vie, etc. »